Québec d'ici le 5 décembre. Il pourrait recevoir l'une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d'action bénévole. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.diteslui-merci.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec. Bienvenue au Grain de Sable, Jean Cloutier ici. En studio, j'ai déjà M. Jacques B. Gélina. Oui, peut-être avez-vous déjà entendu parler de M. Gélina. C'est une de ses sommités dans le domaine du libre-échange. Et en fait, il est l'auteur de son dernier ouvrage, Le néo-libre-échange, l'hyper-collusion business politique. Alors, merci beaucoup, Monsieur Jacques Bégina, d'être avec nous aujourd'hui pour toute l'émission. Ça me fait plaisir. Oui, mais restez en deuxième demi-heure, on aura avec nous, par la voix des ondes téléphoniques, Pierre-Yves Serinet, qui est un des grands porte-parole du mouvement contre le libre-échange, hein, du RQIC. On vous dira c'est quoi le RQIC, un groupement québécois intercontinental. C'est bien ça, M. Gélina, aidez-moi, vous êtes le grand spécialiste. Le réseau intercontinental... RQIC. Oui, de toute façon... D'opposition au libre-échange. Oui, de toute façon, ça c'est clair que peu importe l'acronyme, leur mouvement ne change pas d'idée. Et c'est entre autres Pierre-Yves qui avait fait venir José Beauvais, il y a quelques semaines déjà, pour venir faire des manifestations, entre autres, contre le libre-échange. Et on se souvient tous de cette polémique qui avait... failli retourner M. Beauvais avant même qu'il puisse s'exprimer dans le cadre d'une conférence organisée par leur RQIC. Donc, restez avec nous. On aura la chance d'aller un peu plus loin pour ça. Mais puisqu'on a parlé la semaine dernière de la revue Ababar, le numéro 66, cette revue sociale et politique sur le thème « Changer le monde, où allons-nous ?» Nous avions avec nous... au téléphone, un des membres importants, influents du groupe de rédaction, du collectif de rédaction. Peut-être vous souvenez-vous de notre invité qui nous a décrit très bien le contenu de cette revue spéciale, oui. Alors, il y a un texte, on reviendra, un texte signé par Dominique Bernier, dont on a juste effleuré le contenu la semaine dernière, mais je vous en parlerai un peu plus, qui fait référence à M. Philippe Couillard et sa position face aux hydrocarbures. J'aimerais aussi revenir dans le cours d'émission ce livre d'Attaque Québec, La dette du Québec, vérité et mensonge. On fera référence à quelques-uns des textes de ceci. Et je sens, M. Gélina, vous avez le goût de nous parler, de nous faire une petite référence à l'histoire des ententes de libre-échange. On a, avec fierté, eu la chance de vous faire entendre le discours du ministre-président du Parlement de la région Wallonne, en Belgique, M. Paul Magnette, qu'on a surnommé à tort ou à travers de Monsieur Wallonix, que les Wallons ont été un peu comme ces Gaulois dans l'Empire romain qui se sont rebutés et unis contre le reste de la planète, dirait-on, contre le reste de l'Empire européen, aujourd'hui, qu'on pourrait dire. Et, bon, si vous avez suivi un peu l'actualité, comme nous, on aime le faire pour vous, on a réalisé que M. Magnette a comme reculé sur ses positions et il y a deux brèches qui ont été ouvertes pour aller chercher l'appui des Wallons, une brèche dans le domaine de l'agriculture et une brèche dans le domaine, qu'on pourrait dire, du système d'arbitrage. Alors, semble-t-il que M. Magnette a changé son fusil d'épaule pour accepter ce projet d'entente de libre-échange actuelle, puisqu'on lui donnait la possibilité de nommer des juges publics. Donc, au lieu que ce soit des avocats du privé nommés par des transnationales lorsqu'il y a un conflit, eh bien, ce seront des avocats issus du public au lieu du privé, choisis par les transnationales. Donc, ça semble être une ouverture. C'est le genre d'argument dont, que l'équipe du RQIC a avec. M. Pierre-Yves Serenet pourra nous expliquer un peu plus en deuxième demi-heure, mais qu'effectivement, c'est une petite victoire pour les Wallons d'avoir été chercher ça. Et puis, pour l'agriculture, ben ils ont comme un certain droit de veto, de regard sur des ententes qui toucheraient ou des événements qui se déroulerait en rapport avec l'importation de produits agricoles, n'est-ce pas, M. Gélinas? C'est ça. Donc, certaines concessions, au moins là, pour le moment, en parole, sur le papier. Oui, parce qu'il reste plusieurs étapes. Et d'ailleurs, oui. Pour bien comprendre ce dans quoi on est, là, on vient de comprendre qu'un parlement régional, l'équivalent d'une province ici au Canada, peut, en tout cas en Belgique, c'est peut-être pas le cas dans les 27 autres pays d'Europe, mais en tout cas dans le cas de la Belgique, à cause de leur constitution, chacun des parlements régionaux devait se positionner ou voter dans leur propre parlement leur appui ou non à cette entente de libre-échange. Et ça me semble assez unique là, chez les Européens, et même ici au Canada, même si on a déjà eu un projet de loi sous Louise Baudouin, le projet de loi 52, qui promettait de passer au Parlement québécois, à l'Assemblée nationale, toute entente ou traité significatif. Mais si, me semble-t-il, il n'y a pas d'obligation du temps de M. Harper, du temps de M. Charest qui a initié cette entente de libre-échange avec l'Union européenne, eh bien, c'était pas prévu que le Québec soit consulté ou que fasse un Wallonix de lui-même. Non, non, ça n'a jamais été prévu. D'ailleurs, même la loi que Louise Baudouin a fait passer, qui disait qu'il fallait que le Parlement de Québec approuve une entente internationale, on l'a interprétée à l'envers. Là, on l'interprète comme lorsqu'une entente est signée par Ottawa, le Québec doit ensuite la ratifier. Une fois que c'est signé, autrement dit, ce qui va se passer demain, là, le premier ministre Justin Trudeau. Exactement. Et le premier ministre Philippe Couillard, qui lui, en catimini, s'est rendu, hein, sans le dire aux journalistes. Oui. Donc là, ils sont à Bruxelles, ils sont en train de préparer la grande cérémonie de signature. Oui. On verra une belle photo lundi matin dans tous les journaux, où M. Couillard, peut-être, à côté de M. Trudeau, à côté du président du Parlement européen, et peut-être même M. Magnette lui-même, je ne sais pas. Mais toujours est-il que cette signature... c'est trop tard, là. Même si le Québec s'y oppose, il sera déjà... Non, exactement. Puis au Canada, c'est un peu spécial même, parce que le premier ministre peut signer sans l'accord du Parlement. Et l'accord n'a pas besoin d'être ratifié. C'est à son bon vouloir. Oui, parce qu'il y a un pouvoir régalien. Ici, au Canada, on est dans une monarchie, une démocratie monarchique. D'ailleurs, c'est expliqué dans mon livre, le néo-libre-échange, je ne me souviens plus à quelle page, là, c'est un encadré, tout le processus au Canada. Donc, au Canada, le Parlement va intervenir seulement pour adapter les lois existantes au nouveau traité signé par le premier ministre, non pas pour ratifier le traité. En Europe, les parlements doivent le ratifier, mais ici, au Canada, non. Et encore moins, donc, le Parlement du Québec. Donc, faisons cet historique dont on a besoin là, pour mieux comprendre ce dans quoi on est embarqué, finalement. Parce que c'est le premier traité avant d'autres qui s'en viennent, hein, le transatlantique, transpacifique. Bon, mais rappelez-nous, là, pourquoi ce genre d'entente... n'est pas bienvenue par une certaine catégorie de population, par les syndicats, entre autres. Mais c'est-à-dire par une grande partie de la société civile. En Europe, il y a eu des manifestations monstres, des pétitions qui ont réuni plus de 3 millions de signatures contre le traité. Pourquoi? Parce que c'est un déni de démocratie. Parce que ça, c'est le point principal. Parce que ce traité-là, malgré qu'on va faire certains amendements, il y a un tribunal au-dessus des tribunaux nationaux. On appelle ça le tribunal de règlement des différends investisseurs-État. En vérité, on devrait l'appeler le tribunal pour les poursuites des multinationales contre les États. Parce qu'il y a seulement que les multinationales qui peuvent poursuivre, les multinationales étrangères qui peuvent poursuivre les États. Les États ne pourront pas poursuivre les multinationales devant ce tribunal-là. Donc, c'est unilatéral. Et dans ce tribunal-là, les compagnies gagnent presque tout le temps. Alors, donc, ce traité-là est un grand problème. L'autre problème, c'est les achats publics, par exemple. C'est que en ouvrant le traité, en signant le traité, les pouvoirs publics, les gouvernements provinciaux, municipaux, fédéraux, pour les gros contrats, sont obligés de l'ouvrir à l'international. De sorte que pour une municipalité, par exemple, un contrat de plus de 10 millions, 20 millions de dollars, disons, ils sont obligés de faire un appel d'offres international. Même si au Québec, ici, on a une compagnie qui pourrait très bien le faire, comme par exemple dans le domaine des métros, là, Bombardier peut faire des trains parfaitement. Mais justement, quand le métro de Montréal a voulu faire un appel, il y a eu des objections. Donc, Bombardier est obligé de faire un compromis avec une compagnie d'Europe. Donc, il y a beaucoup d'autres problèmes avec ça. Par exemple, la privatisation des services. Tous les services sont sujets à privatisation. Donc, il y en a déjà eu beaucoup d'accords semblables à celui-là, là, l'accord Canada-États-Unis, l'ALENA, tout ça. Donc, c'est ce qui explique actuellement le glissement progressif de notre système de santé vers le privé. Le docteur Barrette puis le docteur Couillard, ils ont une idée derrière la tête. Donc, la désorganisation actuelle du système de santé, c'est pour que les gens disent, ben voyez-vous, le public, là, c'est pas efficace, ça n'a pas moyen d'avoir des bons services. Donc, si on est pressé pour avoir une entrevue avec un spécialiste, ben, on va aller au privé. Voilà. Donc, c'est ça l'essentiel des gros problèmes que suscite l'accord. C'est ce nouveau champ d'accord, là, Canada-Union européenne. Ce que les Wallonics, ce que les Wallons ont réussi à gagner pour que leur ministre-président accepte de signer cet accord à en devenir, cet accord, l'accord économique commercial global, la ECG, communément appelé le libre-échange entre l'Europe et le Canada. Qu'est-ce qu'eux ont réussi à avoir là, dans le domaine des importations en agriculture et le changement pour le tribunal d'arbitrage? Est-ce que ça vaut pour nous aussi? Oui, est-ce qu'eux ont réussi à gagner? Ça nous donne quoi de plus, nous? Est-ce que, par exemple, si on est contre l'importation des fromages français pour protéger nos producteurs de fromage, on va pouvoir prendre la clause Wallonix? Non, monsieur. Ça va valoir juste pour... Les Wallons. Les Wallons. Alors, où il est, M. Couillard? Il est à Bruxelles, il ne pourra pas demander l'équivalent? Pas du tout, parce qu'il est pour ça, lui. Il dit qu'il faut ouvrir notre économie. Alors, justement, ici au Québec, là, notre agriculture, les agriculteurs sont aux abois. Il faut qu'ils soient toujours plus gros pour être concurrentiels. Alors, donc, ce que les Wallons ont obtenu, c'est qu'il y a certains seuils quand leur agriculture est attaquée pour certains produits, donc ils vont pouvoir mettre des seuils aux importations des produits étrangers. Alors qu'ici au Québec, c'est pour le moment, pour la gestion de l'offre, on est protégé, mais justement cet accord-là vient ouvrir une brèche dans la gestion de l'offre de en agriculture. Et ça, c'est seulement qu'un premier pas. Donc là, maintenant, ils vont avoir le pied dans la porte. Et maintenant, par exemple, les fromagers d'Europe vont pouvoir importer une plus grande quantité de leur fromage au Québec. Donc ça nuit aux petits fromagers. Et en ce qui a trait le système d'arbitrage, là, est-ce vraiment une victoire? Ce que le ministre-président Magnette prétend avoir gagné, qu'il va pouvoir nommer des avocats issus du domaine public et non pas se contenter des avocats privés nommés par les transnationales. Est-ce que ça aussi le Québec pourra ou ne pourra pas? Oui, ça, s'il change la façon dont le tribunal va être organisé, le Québec va pouvoir en profiter aussi, mais c'est pas grand-chose. Le tribunal, d'ailleurs, l'Union européenne l'avait déjà changé parce qu'il y avait eu beaucoup d'opposition là-dessus, de la part de plusieurs États. Donc, au lieu que ça soit un tribunal d'arbitrage où les avocats seraient, où les arbitres, les juges seraient des avocats, nommés par le privé, principalement, alors là, ça serait, ils appellent ça le système de cour international. Donc, qui serait plus professionnel. Disons que ce serait des juges professionnels qui seraient nommés là. Mais ça reste que ce serait un tribunal au-dessus des tribunaux nationaux. Donc, on a ici nos tribunaux nationaux, les cours d'appel, la Cour suprême, donc où tous ces litiges-là pourraient se retrouver. Mais il va rester fondamentalement la même chose. Alors, ce que les Wallons ont obtenu, c'est qu'ils vont aller devant la Cour internationale de La Haye pour faire juger si cet accord-là, l'accord de cette question des tribunaux, est d'accord avec les lois des États, avec la souveraineté des États. Donc, okay. Ils vont aller devant la Cour internationale de La Haye pour ce jugement-là. Donc là, on va attendre le jugement de la Cour internationale de La Haye. Ça prend des mois, des années, sinon. Je doute beaucoup qu'ils vont s'opposer. Mais entre-temps, ça aura été signé. Oui. On aura le bras dans le tordeur. Oui, ça revient. Il y a une petite amélioration, mais ça revient... Parce qu'au même, le même, c'est que ce tribunal-là est au-dessus des tribunaux nationaux. C'est un tribunal national devant lequel seulement que les multinationales peuvent poursuivre les gouvernements. Mais le grand argument du ministre-président Magnette, c'était dire, donnez-nous la chance de dire oui ou non. Mais là, ils leur ont donné la chance de dire non. Par la suite, oui. Mais ce oui-là n'est pas un vrai oui, si vous me suivez. C'est parce un qu'ils vont... oui conditionnel. Ouais. Donc, le président de la Wallonie, le président ministre de la Wallonie, comme on l'appelle, a obtenu toutes sortes de petites conditions comme ça. Mais c'est un... C'est des petits papillons, comme on dit. Là. C'est pas encastré dans une loi. Là. Pas encore. Donc, c'est une promesse. Ouf. Donc, on va voir si... De toute façon, il s'est satisfait de ça. Parce qu'il y a eu tellement de tordages de bras, c'est là-dessus d'ailleurs... Ben oui. Votre chronique... Oui. de tordages de bras pour un oui. Pour que nos politiciens disent un oui à un accord tordu dont les peuples ne veulent pas. Qu'est-ce qu'il y a de si tordu que ça dans cet accord-là, qui reste encore... Ben, c'est toutes ces choses-là qu'on vient de nommer, là, le tribunal supranational, pour le privé, pour le exprès, pour la poursuite des multinationales étrangères contre les gouvernements. Donc ça, c'est un déni de démocratie. Ensuite, l'ouverture pour la privatisation des services, les achats publics, l'ouverture pour les achats publics. Pour la première fois, par exemple, dans l'histoire, Hydro-Québec, pour les contrats qui vont dépasser un certain niveau, par exemple 30 millions de dollars, ils vont être obligés d'aller en appel international. Hydro-Québec, depuis qu'il avait été fondé, il favorisait les compagnies québécoises. Il y a beaucoup de compagnies québécoises là, qui fabriquaient des fils de cuivre, toutes sortes de matériaux pour l'hydroélectricité, pour les pylônes, etc. Donc, Hydro-Québec prenait ses achats au Québec. Maintenant, en dessus d'un certain seuil, ils vont être obligés d'aller en appel international. Voilà. C'est ça que cet accord-là est, comme tous les autres accords de néo-libre-échange, ça favorise les compagnies multinationales. C'est ça qui est le problème. Ça reste ça, de toute façon. Ouais. Mais qu'en est-il de ces 27 autres pays qui signent ou ont signé ou vont signer en chantant demain, dimanche? Est-ce qu'il y a d'autres pays que la Belgique, que d'autres régions que la Wallonie? Semble-t-il, dans son discours, Paul Magnette, qu'on a diffusé la semaine dernière, il mentionnait qu'en Hollande, il y avait des gens qui l'appelaient, qui étaient contents qu'il soit le premier. Oui. Et on pensait même qu'il allait y avoir un deuxième groupe qui s'oppose. Oui. En Allemagne aussi, la population s'est soulevée. Le 15 octobre dernier, à Paris, il y avait de grandes manifestations. Exactement. D'ailleurs, si vous voulez en entendre parler de ces manifestations-là, venez mardi, le groupe de simplicité volontaire au Centre Frédéric Frédéric Bach, Centre culture et environnement Frédéric Bach sur l'avenue Salaberry, à 19h, mardi, organise un cercle de discussion avec Anne-Céline Guyon, la porte-parole de Stop Oléoduc, qui est allée manifester à Paris, invitée par les Français, par les groupes écologistes là-bas et par les syndicats là-bas pour manifester et représenter la voix du Canada anti-libre-échangiste là-bas, anti-hypercollusion business politique. Là. Alors, si vous voulez poser des questions à Anne-Céline Guyon, ça serait possible de le faire, de voir comment les gens travaillent là-bas encore très fort à manifester contre le libre-échange. Donc, il y a plein de mouvements, que ce soit en France, en Allemagne, en Hollande. Est-ce que eux, ils ont déjà le bras dans le tordeur, puis tout est fini? Il n'y a pas d'autres possibilités? Il y a beaucoup de gouvernements en Europe qui s'opposaient à cet accord-là au début. Le gouvernement français, entre autres, même le gouvernement allemand. Parce que les gouvernements allemands, par exemple, ils ont été poursuivis en vertu d'un autre accord de libre-échange où il y a un tribunal semblable. Donc, ils ont été poursuivis pour plus d'un milliard de dollars. Hein, par une compagnie suédoise quand les Allemands ont fermé leur centrale nucléaire. Donc, il y a des compagnies norvégiennes qui avaient le soin de l'entretien de ces centrales-là nucléaires. Donc, eux autres, ils ont été perjudiqués, ils ont subi des dommages, moins de profits. Donc, ils poursuivent le gouvernement allemand. Donc, il y a beaucoup de gouvernements qui étaient contre aussi. Mais, finalement, la classe politique s'est rangée. Partout dans le monde, il existe une overclass politique qui est achetable et vendable. Dans votre livre, Jacques Bégina, « Le néo-libre-échange, l'hyper-collusion, business politique aux éditions Éco-Société », vous commencez avec un historique. Vous mentionnez même que Brian Mulroney, le chantre du libre-échangisme, on sait très bien qu'il a même gagné une élection, une réélection sur le libre-échange. Lui-même, avant 1984, n'était pas tellement pour le libre-échange. Il y a eu un virement de capot de son côté. Exactement. Et comment on explique justement que la classe politique, que l'establishment politique ait cette hyper-collusion avec le libre-échange classique et conventionnel, si ce n'est que de parler de l'influence que Bernard Landry a pu avoir sur Jacques Parizeau, probablement sur René Lévesque lui-même. À l'époque, c'était un jeune ministre. Oui. Donc, comment on peut expliquer que on a été, le Québec même, a fait en sorte que le libre-échange entre le Canada et les États-Unis, et probablement que le Mexique, s'est concrétisé, alors qu'il y avait des mouvements anti-libre-échangistes dans le reste du Canada, et nous, le Québec, on était vu comme étant les pro-libre-échangistes. Comment ça, le Québec, et quand on pense que c'est Charest lui-même, alors premier ministre du Québec, Jean Charest, qui est allé essayer de convaincre les Européens de faire un libre-échange, comment ça, on est comme un noyau ici de pro-libre-échangistes? Oui, parce que la classe politique a été comme aspirée par des grands intérêts multinationaux, de façon consciente ou inconsciente. Par exemple, lorsque Landry et Parizeau se sont prononcés pour le libre-échange dans les années 80, donc pour le premier accord de néo-libre-échange Canada-États-Unis, ils se sont prononcés, eux, pour cet accord-là, mais ils ne connaissaient pas le contenu. Parizeau l'a dit après, il dit on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. On était obnubilés, on pensait que c'était pour les accords, comme pour les échanges de marchandises, alors que ça concernait surtout, d'ailleurs, comme cet accord-là Canada-Union européenne, qui ne concerne pas surtout les marchandises, faut surtout pas croire tout ce qu'on dit, comme dit l'émission. Alors, ça concerne surtout les investissements. C'est pour ça qu'on appelle ça du néo-hyper-échangisme. C'est ça. On pouvait être pour le libre-échange des années 80, celui de Landry et de Mulroney. Mais à cause de l'évolution qu'ont pris ces ententes, ces accords de libre-échange, qui sont maintenant entre les mains des transnationales, là, on peut être devenu contre, finalement, au fil du temps. C'était aussi, dans ce temps-là, c'était à peu près le même principe quand ils ont négocié l'accord Canada-États-Unis. Mais Bernard Landry et Parizeau, quand ils se sont prononcés pour, les accords n'étaient pas encore négociés, même. Ils n'étaient même pas conclus. On ne connaissait pas encore ce qu'il y avait pour avoir dans ces accords-là. Eux, ils se sont seulement prononcés de façon théorique. C'est sur un libre-échange théorique. Mais quand on fait affaire aux Américains, c'est pas théorique. Ce sont leurs propres intérêts qui passent avant, comme on le voit actuellement dans la saga du bois d'œuvre. Oui, bien, on voit bien que les deux candidats à la présidentielle états-unienne sont plus ou moins contre les libre-échanges à l'heure actuelle. Oui, parce qu'ils affublent que c'est à cause de ça qu'ils ont perdu les emplois. C'est parce que le peuple est contre. Alors, Trump, qui est un populiste de droite, donc il s'est rendu compte que le peuple est contre, donc il a dit que c'est un bon sujet. Oui, mais en France, il y a des sondages qui disent que le peuple est entre 60 et 80 % contre. Ici même, au Canada, on dit que le peuple est à 60 %, donc deux tiers de la population, quasiment. Exactement. Sinon, libre-échange, mais nous, nos politiciens s'en vont à Bruxelles signer. Les politiciens, maintenant, sont tellement aspirés par les intérêts multinationaux qu'ils n'ont pas besoin de tenir compte des aspirations du peuple. C'est-à-dire, ce qui compte, là, c'est de gagner l'élection par n'importe quel subterfuge. On ne parle pas des principaux enjeux. On peut parler juste des plures de bananes pendant une campagne électorale. Et puis là, maintenant qu'ils sont élus, mais c'est avec 38 % des votes seulement, et qu'il y a 40 % des gens qui ne vont pas voter. Donc, les seuls partis qui sont contre le libre-échange, finalement, sont ceux qui sont certains de ne pas être élus, comme Québec solidaire et le Parti vert. Donc, on salue le député Amir Kadir qui s'est rendu à Bruxelles pour essayer de supporter les gens qui étaient contre cette entente-là. Exactement. Alors que le Parti québécois, vous sembliez me dire, en préparation de cette interview, que Jean-François Lisée lui-même, lorsqu'il était ministre des Relations internationales, était un promoteur de libre-échange. Il l'est encore, d'ailleurs. Parmi les candidats à la chefferie du Parti québécois, dernièrement, ils étaient tous, excepté Martine Ouellette, qui s'est prononcée contre l'accord Canada-Union européenne. Oui, on salue Martine Ouellette, d'ailleurs, que je supportais avec plaisir. C'est ça. Donc, tous les autres sont pour le libre-échange parce qu'ils pensent comme tout le monde. C'est-à-dire, ils sont, comme disait mon chauffeur de taxi quand je me suis envenu tantôt, il me demandait sur quoi qu'on était pour parler, j'ai expliqué ça. Puis il dit, pour savoir ça, il dit, il faut réfléchir beaucoup. Ben oui, il faut réfléchir beaucoup, il faut avoir un esprit critique, il faut lire, il faut écouter, il faut comparer. Il faut pas croire tout ce que les médias disent. Puis on le sait, comme vous dites, à l'époque, on était pour. Moi-même, je pense que j'étais pour. J'étais un jeune étudiant en relations internationales et je trouvais ça comme une belle façon de relations internationales entre peuples, augmenter les échanges. Mais c'était surtout des produits dont la belle industrie du meuble qu'on a perdu au Québec à cause du libre-échange. Hein. Maintenant, c'est plus payant de faire des meubles dans le sud des États-Unis ou au Mexique, alors qu'aux environs de Victoriaville, il y avait de belles industries. Oui. Alors, il y avait même un cégep. Hein. Puis quand on sortait du cégep à Victoriaville, on était certain de travailler dans une usine au coin de la rue, alors que maintenant, il faut s'expatrier parce que les propriétaires de ces usines-là ont préféré eux-mêmes ouvrir des usines où ça coûtait moins cher, puis où ils étaient plus proches de leur gros marché américain. Mais toujours est-il que je voulais, avant qu'on ait en pause et qu'on ait rencontré notre ami Pierre-Yves Sorinet du regroupement québécois sur l'intégration continentale, c'est ce qu'on cherchait tout à l'heure, le RQIC. Je veux qu'on parle de votre article d'octobre dans l'autre journal. Hein. C'est un journal qu'on peut évidemment venir chercher ici même à CKRL ou ailleurs dans certains lieux publics. Dans le numéro 353, vous nous rappelez l'histoire du néolibéralisme qui veut mettre à genoux la classe politique, un système dominé par 28 superbanques. Vous citez, j'aime bien Charles Péguy, « Les patries sont toujours défendues par les gueux, livrées par les riches. Oui. » C'est pas d'hier là, qu'on se fait fourrer dans les ententes de libre-échange ou dans d'autres sortes d'échanges entre peuples. Oui, de fait, c'est peu à peu, une loi après une autre, que les politiciens ont abandonné une grande partie de leur souveraineté. C'est ça qu'il y a de plus malicieux dans le traité dont on parle actuellement, Canada-Europe, là. C'est un déni de démocratie. L'Union européenne, la Commission européenne, c'est un pouvoir exorbitant, donc qui fait la loi et qui la fait observer en même temps dans l'Europe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui sont contre la Commission européenne. Dans l'affaire de la Grèce, par exemple, c'est la Commission européenne qui a été la plus dure pour mettre à genoux le peuple grec. Et le président de la Commission européenne, qui était M. Jean-Claude Juncker, je suis toujours porté à dire Juncker, lui, il avait dit « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. » Ça va rester vrai avec le nouveau traité. L'Union européenne, la Commission européenne croit qu'elle a le pouvoir au nom des multinationales, parce que les lobbies multinationales s'activent beaucoup autour de la Commission européenne, d'être au-dessus des démocraties nationales. Oui, d'ailleurs, au Québec, un gouvernement reste impuissant à protéger le bien commun. On se rappelle le ministre Pierre Paradis, le ministre de l'Agriculture, qui devrait être là, justement, à Bruxelles, en train de protéger nos agriculteurs. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Monsieur Paradis? Monsieur Paradis, il disait, vous savez, il avait dit ça dans une entrevue avec Paul Arcand, vous savez, les multinationales sont plus puissantes que le gouvernement. Il parlait de Monsanto. Aujourd'hui, c'est encore bien pire parce que Monsanto a fusionné avec une compagnie aussi grosse. Allemande, donc encore plus proche du pouvoir européen. Donc, c'est ça là, qu'on s'en va signer à Bruxelles. Exactement. M. Couillard va cristalliser le fait qu'on dit, on donne le pouvoir entre les mains des transnationales. L'agriculture, bienvenue, nous on est internationalistes, amenez votre fromage, faites fermer nos 300 fromageries locales à travers le Québec, venez-vous-en avec votre fromage. On le voit déjà à l'épicerie, quand on voit du fromage bleu danois à deux petites meules pour 10$, alors que notre fromage ermite fait par les moines à une heure de route ou deux d'ici est vendu deux fois plus cher. On le voit déjà, c'est pas fini, ça, de voir des fromages importés européens à moitié prix. Qu'est-ce qu'on fait? On achète le prix, malheureusement, les Québécois. Parce qu'une espèce de dumping, ça, là, ils sont subventionnés, ces agricultures-là. L'agriculture des États-Unis, l'agriculture européenne est fortement subventionnée. Alors, c'est entendu que quand le fromage que l'Union européenne nous envoie est subventionné par les gouvernements. Alors, c'est pour ça que nos petits fromagers, qui sont très ingénieux, peuvent difficilement compétitionner, mais malgré tout, ils le font, jusqu'à présent. Alors, j'aime bien votre intertitre, « Un vent d'abandon qui vient d'en haut ». C'est ça. Mais là, on va aller plus bas, on va aller voir des militants qui sortent dans la rue pour marcher contre le libre-échange. Donc, restez avec nous, après la pause, Pierre-Yves Serinet, porte-parole du regroupement québécois sur l'intégration continentale. C'est ça. CKRL. À Québec. Pour rehausser la beauté de votre maison sans tout rénover, faites peindre. Peinture résidentielle Jacques Dulac pour un travail professionnel et un service courtois. Pour l'intérieur et l'extérieur, votre terrasse, balcon, galerie en fer forgé, votre cabanon et bien plus. Profitez du service de déco-conseil et de l'estimation gratuite dans la région immédiate de Québec. Peinture résidentielle Jacques Dulac, entrepreneur général spécialisé en peinture du bâtiment, licencié RBQ et membre de la CQ. 88-558-8658. JacquesDulac.ca. À chacun son style. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Donc la première phrase, c'est les filles. Je suis la tête d'un nuage, vous chantez avec Coriace. Les garçons, vous répondez. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. J'ai fait une chanson qui se voulait uplifting, c'est-à-dire une chanson qui nous élève. Parce que moi, c'est comme ça que je vois la culture. Ça élève les esprits, ça élève les consciences. Une ouverture vers la créativité avec Coriace et 50 000 élèves à travers le Québec. J'ai la tête d'un nuage. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Vous connaissez une personne bénévole ou un organisme communautaire exceptionnel? Dites-lui merci. Présentez sa candidature au prix Hommage bénévole à Québec d'ici le 5 décembre. Il pourrait recevoir l'une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d'action bénévole. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.diteluimerci.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec. Pourquoi choisir Matelas Confort? Pour le prix, bien sûr. Chez Matelas Confort, tous les produits coûtent 50% moins cher que la compétition à qualité égale. Et vous n'avez pas à attendre les ventes. Chez Matelas Confort, vous profitez toujours d'une qualité exceptionnelle à un prix inégalable depuis plus de 45 ans. Matelas Confort, juste pour le plaisir de bien dormir, avec la qualité et le prix du manufacturier. Matelas Confort! La Foire du disque de Québec approche à grands pas. Plus de 35 exposants seront présents avec des milliers de disques vinyles à vendre. C'est un rendez-vous le 5 novembre prochain, de 10h à 16h, au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue Prince-Édouard. 2$ l'entrée. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. Émission activée. Micro ouvert. Bienvenue. Émission Le Grain de Sable. Attention, attention, il y a un grain de sable dans la machine. Et oui, bienvenue, bienvenue au Grain de Sable. Merci d'être avec nous. Monsieur Jacques Desgénas, toujours avec nous. Vous savez, l'auteur du livre Le Néo-Libre-Échange, Hyper-Collusion, Business Politique. Vous avez fait d'autres ouvrages aussi, monsieur Gélinas, mais ça, c'est votre dernier, votre plus chaud. Exactement. Et peut-être que Pierre-Yves Serinet qui est avec nous par la voix des ondes. Bonjour, salut Pierre-Yves. Oui, bonjour. Alors, écoute, je ne sais pas si tu as lu tous les livres de M. Jacques Végélina, mais nous, on veut surtout s'adresser aux militants et te remercier d'avoir fait partie de l'équipe qui ont fait venir José Beauvais il y a quelques jours et de te féliciter et d'écrire. Je crois avoir vu un de tes textes dans des quotidiens très connus. Tu es un militant de base. Je sais que tu es allé amener ton combat même jusqu'à la COP21 à Paris en décembre dernier, où on a eu la chance de se rencontrer, de se connaître un peu plus. C'est pas d'hier qu'on pense que les traités de libre-échange sont beaucoup plus importants que les accords universels dans le domaine des changements climatiques. Non, effectivement, il y a des questions à soulever, justement, de la compatibilité des différents traités internationaux. D'un côté, on veut lutter contre le changement climatique, on veut mettre de l'avant des mesures, puis de l'autre côté, on adopte des traités d'investissement et de commerce là, qui viennent à l'encontre, qui nous limitent notre capacité. Donc, il y a vraiment des questions à soulever. Puis s'il y a quelque chose que je voulais peut-être mettre en évidence là dans toute la dernière saga, vous parlez de José Beauvais, on parle aussi de Paul Magnette, là, le ministre-président de la Wallonie. Ont été sans doute là, deux fers de lance du débat qu'on a réussi quand même à stimuler là, ces dernières deux trois semaines sur les accords de libre-échange. On nous dit que c'est des accords extrêmement complexes qui ne concernent que des virgules et des points-virgules dans les relations entre les États, alors qu'on voit qu'on peut parler des enjeux, puis il est important de parler des enjeux. Donc, s'il y a une leçon à apprendre là, de la dernière saga des derniers jours et semaines, c'est justement le fait qu'on a un besoin de stimuler, d'avoir un débat démocratique. Évidemment, demain, nos dirigeants politiques vont aller signer l'accord, mais je crois que le débat est enclenché et on doit le poursuivre. Parce que signer un accord, ça ne veut pas dire le ratifier. D'ailleurs, une deuxième leçon qu'on doit apprendre de l'entente entre les Belges eux-mêmes par rapport à cet accord-là, c'est qu'ils sont dit c'est pas automatique qu'on va ratifier. On donne la permission avec le gouvernement fédéral belge d'aller signer. Demain, c'est ce qu'ils vont faire avec les autres. Mais on va pas ratifier, sauf si certaines conditions sont pas remplies. Donc, un premier élément qui est super important à souligner, c'est que les Belges vont refuser de ratifier si on maintient à l'intérieur de cet accord-là les fameuses dispositions qui donnent des droits démesurés aux multinationales de poursuivre les États. Ça, c'est assez clair dans le texte intra-belge. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de changement profond, ils dénoncent effectivement ce mécanisme-là. Puis on connaît depuis l'ANENA aussi, puis on a des cas de poursuite là, d'entreprises contre nous, contre le Canada et le Québec, entre autres sur les gaz de schiste, mais ça touche aussi les domaines de la santé, des domaines environnementaux aussi. Donc ça, c'est remis en question. Donc pour nous, c'est déjà une avancée, mais il faut continuer à faire le débat, parce que l'accord touche aussi à d'autres domaines. On en a parlé un peu plus ici, des enjeux agricoles, mais aussi les enjeux au niveau de la libéralisation des services, l'ouverture du domaine des services publics aux intérêts transnationaux. Donc, tout ça, ce sont des choses qui méritent de continuer à être débattues dans le processus qui va s'enclencher désormais de ratification. On le sait qu'ici, à partir du moment où on a signé un accord, s'enclenche un processus de ratification qui doit passer par les parlements, y inclut l'Assemblée nationale, hein, si nos politiciens veulent bien en débattre, hein, parce que le risque est là de vouloir étouffer le débat. Il y a quand même encore de marge de manœuvre pour faire le débat et que les gens aient voix au chapitre. C'est encore plus vrai en Europe, alors que la Belgique, entre autres, mais déjà l'Allemagne, l'Autriche, affiches ont quand même mis leur pied sur le frein en disant attendons, ne crions pas tout de suite là, victoire sur la ratification. Il y a des choses qu'il va falloir qu'il se passe dans chacun des États membres. Donc il faut encore débattre, Pierre-Yves Surinet. C'est pas le temps de tirer la serviette, de dire ben ils s'en vont signer puis on passe à autre chose. Là. C'est sûr que nous, ce qui nous interroge beaucoup, c'est qu'il y a tout un débat qui s'est enclenché. On regarde même dans le traitement des médias. Moi, j'ai interpellé directement Gérald Filion, Radio-Canada, en lui disant, regardez, là, vous ne faites que transmettre la position officielle, comme quoi le libre-échange, c'est bon en soi, ça va être bénéfique. Ben oui, il va y avoir des perdants, mais en général, puis on regarde comment il a traité la nouvelle plus récemment, grâce justement à des porte-étendards comme Paul Magnette ou José Bové. Puis là, il commence à parler des enjeux. Puis là, nos politiciens partent tout en trompe, prennent l'avion, on va aller signer. Il y a une presse incroyable. Pourquoi, nous, on pense, c'est parce qu'ils veulent taire le débat. Pense que nous, notre responsabilité, c'est de continuer à l'alimenter. Mais justement, sans l'effet magnétique de Wallonix, on n'en aurait pas parlé autant du contenu. C'est, effectivement, Gérald Ferlion, j'ai vu son transfert, tout comme Radio-Canada, au lendemain de l'échec de négociation de la ministre du Commerce international, Freeman. Tout ce qu'on montrait, c'était ses pleurs. Comme de quoi c'était donc décevant, puis en pleurant. On s'entendait qu'elle n'aime pas au contenu. Pourquoi elle s'est fait dire non? C'est par la suite, en tout cas nous-mêmes, à l'émission Grain de sable, on a diffusé 22 minutes de l'allocution de Paul Magnette, ministre-président, à son Parlement wallon. Et là-dedans, on entendait des arguments, des choses qu'on n'avait jamais entendues ici. C'est par Magnette qu'on a entendu parler des enjeux. Et par la suite, on a vu Filion et autres à Radio-Canada mettre un peu plus d'accent sur le discours de Magnette. Alors, on vous remercie si vous avez pu avoir l'influence. Qui sont des éléments qui touchent quoi? Qui touchent les piliers de notre société, hein? Les services publics, la santé, l'éducation, notre capacité, justement, on en parlait avec le climat, là, et l'accord de Paris met de l'avant des mesures environnementales. Donc, des enjeux que nous, on porte depuis, là, au Réseau québécois sur l'intégration continentale, depuis au moins 6 ans. Depuis 2010, en fait, qu'on est impliqué sur ce dossier-là, mais que les journalistes et les médias n'ont jamais relayé jusqu'à ce que ils se sentent plus crédibles, sans doute, de relayer les propos de Magnette. Mais je le dirais même que les Belges, nous, moi, je suis allé les rencontrer là, en mai dernier. Donc, déjà, il y a eu tout un processus de conscientisation qui nous a permis, justement, à ce que des leaders politiques prennent le devant. Ça me rappelle beaucoup, hein, je sais pas si vous vous souvenez, surtout à Québec, dans la région de Québec, tout le débat autour de la zone de libre-échange des Amériques. Oui, en 2001, on s'en souvient à Québec, même j'ai encore l'odeur du gaz lacrymogène dans le nez. Exact. Mais à l'époque, ça n'avait pas été de gouvernement progressiste en Amérique latine. Ouais. Premier chef, Chavez au Venezuela, mais ensuite relayé par la Bolivie, par le Brésil, l'Argentine. Ouais. Cet accord-là, on l'aurait... On a même refusé Cuba à l'époque pour pas qu'ils viennent mettre le trouble, là, mais ça nous aurait peut-être... C'est-à-dire que nous, notre responsabilité, c'est qu'il faut qu'il y ait des relais politiques. Donc, ouais. Il y a des politiciens qui sont capables de se tenir debout. Nous, ce qu'on se demande, c'est est-ce que nos politiciens vont se tenir debout et qu'ils vont tenir le débat. Merci, Pierre-Yves Surinet. Je voudrais que M. Junot puisse mettre son grain de sel, mais moi, je voulais vous rappeler que, dans le fond, Pierre-Marc Johnson, là, hein, l'avocat spécialiste, là, qui est notre négociateur en chef à plusieurs occasions, a déjà été premier ministre du Québec. Il a déjà donc lui-même fait avancer la doctrine Gérin-Lajoie. C'est quoi la doctrine Gérin-Lajoie? Hein? C'est dans nos domaines de compétences locales, donc santé, éducation, si on prend juste ça, ou l'environnement. Eh bien, c'est la prolongation de compétences internes à l'externe. Donc, Pierre-Marc Johnson, Jean Charest, Bernard Landry, Jacques Parizeau, nommez-les, tous les anciens premiers ministres, y compris Robert Bourassa, ont toujours accepté cette doctrine. Hein, un peu comme le nini des Français par rapport à l'indépendance du Québec, là. Non-ingérence, non-indifférence, ben nous, c'est la doctrine Gérin-Lajoie. Mais la doctrine Gérin-Lajoie, si le traité de libre-échange qu'on va signer demain a un impact, comme vous le dites, M. Surinet, sur l'éducation, sur la santé, ça veut dire que le Québec devrait avoir son rôle, son mot à dire, son non ou son oui à dire? Mais le Québec a dit des choses, c'est ça qui est le plus absurde, c'est que le Québec a été invité à la négociation. Puis vous parlez, M. Johnson, moi, ce qui m'a complètement scié les jambes récemment dans le débat, parce que le Québec va se frappe la poitrine en étant très fier d'avoir eu une incidence là, récemment dans le dénouement des choses avec les Wallons, on met une pression indue, quasiment du chantage émotif, à aller à Bruxelles. Et dans cette saga-là, alors que Bruxelles continuait de bloquer, Johnson dit, mais là, la SCG va pas régler les problèmes sociaux. On voit une vision très étroite qu'ont nos dirigeants comme Pierre-Marc Johnson, où ils dissocient l'économie des enjeux sociaux, culturels, environnementaux. C'est-à-dire, ils disent, mais là, la SCG ne va pas régler nos problèmes sociaux. On lui présentait d'ailleurs des impacts néfastes là, sur le revenu annuel des travailleurs. Des études récentes là, hein, qui disent que cet accord-là n'est pas si bénéfique pour la classe moyenne. On voit bien que Trudeau carbure sur ça. Ça va être un accord fantastique pour la classe moyenne. Il y a des études là qui sont produites, indépendantes, dans les universités, qui disent qu'il va y avoir un impact négatif sur l'emploi, sur le revenu annuel moyen. Il va y avoir des pertes de 2 600 $ par année, par travailleur ou travailleuse, dans les 5 premières années là, de l'accord. Mais là, Johnson réagit, dit, mais là, les accords comme ça, ça ne règle pas nos problèmes sociaux. Il faut les régler autrement, il faut que ce soit nos gouvernements qui mettent de l'avant les politiques. Alors là, où le pas blesse, c'est que justement, ces accords-là réduisent la capacité de nos gouvernements de mettre de l'avant les politiques. Vous êtes bien d'accord avec ça, M. Gélinas. D'ailleurs, comment faire pour que ces ententes de libre-échange ne soient pas hyper-collusionnistes business-politique? Ouais. Mais je reviendrai sur la question de la classe moyenne. M. Trudeau, c'est toujours ça qu'il met de l'avant, qu'il s'en va signer à Bruxelles pour que la classe améliorer le sort de la classe moyenne. Alors, si ça, c'était vrai, on serait tous riches aujourd'hui. Parce que tous les accords de libre-échange, de néo-libre-échange qui se sont signés depuis la fin des années 1980, c'était tous dans le même paradigme, là, c'était dans le même modèle que celui-là. Alors, toute la classe moyenne serait riche aujourd'hui. Au contraire, la classe moyenne s'est fait rogner ses revenus depuis ce temps-là. C'est pour ça qu'aux États-Unis, là, tant Trump que Sanders ont eu la classe moyenne pour eux parce que la classe moyenne a vu ses revenus, son pouvoir d'achat diminuer, comme ici au Québec d'ailleurs. Notre pouvoir d'achat a diminué. Il y a un appauvrissement de la classe moyenne qui s'est aussi exprimé très concrètement, par exemple en Angleterre avec le Brexit. On dit, ah, ça c'est contre l'Union européenne. Oui, c'est contre le modèle social de l'Union européenne parce que la classe moyenne s'est appauvrie. Évidemment, les pauvres se sont appauvris encore plus. Oui. Oui, est-ce que vous m'avez entendu? J'ai l'impression que il y avait de la musique, alors j'ai peut-être mis en pause. Non, ça va. Voulez-vous répéter, excusez-moi, pendant qu'il y avait la musique? Oui, non, mais je disais juste qu'effectivement, vous dites, M. Gélinas, c'est que effectivement, on a assisté depuis les 30 dernières années à un appauvrissement de la classe moyenne, puis un appauvrissement encore plus des personnes pauvres. Donc, effectivement, puis on le voit très bien, la réaction qu'il y a eu en Angleterre, en Grande-Bretagne, du Brexit, c'est l'expression de l'échec d'un modèle libre-échangiste, un modèle social qui fonctionne pas pour les plus pauvres. Donc, c'est un peu de la poudre aux yeux, je dirais, cet argument. Et il y a des études qui démontrent que l'accord avec l'Union européenne va générer encore plus d'appauvrissement, mais ça, les gouvernements, comme M. Johnson, disent, ben là... vous mélangez les choses, les accords de libre-échange, ça ne doit pas régler les problèmes sociaux, alors que oui, les accords économiques doivent être en synergie étroite avec un modèle de défense des droits humains, économiques, sociaux, culturels, de la population en général. Donc, le débat est nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ces ententes de libre-échange qui pourraient être acceptables, en fait? D'entrée de jeu, je pense que les Wallons nous donnent une première indication. Nous, c'est clair, ça fait très longtemps qu'on le dit, il faut retirer ces droits excessifs aux multinationales. Ce qu'on appelle le fameux mécanisme de règlement des différends, qui est un outil, hein, mais qui est aussi le pendant instrumental, disons, du chapitre de protection des investisseurs étrangers. Tantôt, M. Gélinas le disait bien, les accords comme la SCG opèrent un glissement de la souveraineté. C'est-à-dire qu'on ne cède plus entre les États... les souverainetés mutuelles, puis on dit, ah, pour la bonne entente commerciale, on est prêt à céder un peu de notre souveraineté vis-à-vis un autre État. Non, on cède la souveraineté, notre capacité donc à mettre d'avant des politiques publiques, à des multinationales. Donc ça, c'est le premier enjeu qu'il faut complètement enlever. Et les Wallons le disent, nous, on va pas ratifier cet accord-là, on peut bien le signer demain, mais on va pas le ratifier si on maintient ce mécanisme-là. Pourquoi il faut l'enlever? Parce que justement, c'est celui qui limite notre capacité à mettre de l'avant des politiques publiques environnementales pour faire face au changement climatique, au niveau social, pour orienter les investissements vers la création d'emplois de qualité, vers le développement régional, orienter aussi les investissements vers des services sociaux plus larges, qui prennent plus de place. Donc, ça, c'est toute la marge de manœuvre politique de nos gouvernements qui doivent être mises de l'avant. Au niveau... Il y a tellement d'enjeux là qu'on peut parler au niveau agricole, au niveau... au niveau environnemental, des PME. Est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire avec la COP21? Parce que est-ce qu'on ne pourra pas améliorer ces ententes-là qui deviennent acceptables, qui deviennent intéressantes? Je sais que M. Gélinas, dans votre livre sur le néolibre-échangisme, vous faites un bilan désastreux de justement du néolibre-échange en matière d'environnement, d'accès aux services publics et de démocratie. Vous explorez les contours d'un modèle alternatif qui s'enracine déjà dans les interstices du système capitaliste actuel, soit le coopératisme. Est-ce que de faire plus de coopératisme serait une des solutions, M. Gélinas? Bien, en fait, oui, parce que les coopératives, le vrai coopérativiste, pas celui du mouvement de jardin, qui ont un bureau à la Cité de Londres. Pour exactement. Faire de la c'est quand ceux qui possèdent une entreprise partagent les profits entre eux et le partagent avec la communauté. Donc ça, c'est un tout autre paradigme, alors que la seule obligation sociale des entreprises aujourd'hui, comme le disait le gourou là, Milton Friedman, c'est de faire des profits. Et comment ça justifie? Parce que si on fait des profits, on va investir plus, on va créer des jobs, donc tout ça va être bénéfice pour la communauté. Donc c'est la seule obligation des... Est-ce qu'il y aurait moyen d'insérer ce genre de coopérativisme dans ces ententes de libre-échange pour que ce soit moins le gros capitalisme? C'est-à-dire qu'il y aurait moyen si ce n'était pas les grands lobbies d'affaires qui, d'abord, dictaient les conditions de ces traités. Parce qu'il faut dire que le traité de libre-échange, on dit que c'est Jean Charest, un autre des gros mensonges, c'est Jean Charest qui est le père de cet accord-là, lui qui s'est activé le premier. C'est pas vrai du tout. Les vrais fondateurs, l'idée est venue d'abord de la table ronde Canada-Européenne pour la business. Oui. Ça qui a été fondée en 1999. C'est eux autres qui ont commencé la table ronde Canada-Union européenne à promouvoir ce genre d'accord global. Ça, c'est la Chambre de commerce du Canada qui fait la promotion de ces tables rondes-là. Donc, c'est Perrin Bettey, un ancien ministre conservateur, qui est à la tête de ça, je pense. Oui, c'est-à-dire que c'est commencé bien avant. C'est commencé, disons, au début des... Il y a eu une autre série de négociations à partir de 2002, qui était le traité pour l'amélioration du commerce et des investissements. Il y a eu trois rondes de négociations, trois cycles, et soudain, en 2006, ils l'ont arrêté pour recommencer sur un pied plus global. Alors, Jean Charest lui a fait juste reprendre la balle au bon pour aller... Son ex-collègue ministre conservateur. C'est ça. Mais... Donc, aujourd'hui, il se pavane à Bruxelles pour dire que c'est le père de cet accord-là. Il est surtout avocat, lobbyiste de destin ici, Jean Charest. Fait qu'il va sûrement profiter de faire des bons contacts qui vont lui être utiles pour être nommé un jour sur ces comités d'arbitrage. Mais Pierre-Yves Sorinet... Je pense, M. Cloutier, vous mettez là le doigt sur le bobo. Hein, à partir du moment où on a ce qu'on appelle des portes tournantes entre la classe politique et la classe des affaires, c'est particulièrement problématique. C'est problématique dans le cadre de l'accord au niveau justement du mécanisme de règlement des différends, où là on voit des avocats qui d'un bord et de l'autre, essentiellement conseillers pour le gouvernement, deviennent maintenant après ça des défenseurs des droits multinationales. Mais M. Charest incarne tout à fait ce modèle-là. On l'a vu d'ailleurs, qui ne suscite pas nécessairement la sympathie des Québécois et Québécoises, hein, quand il intervient au niveau là, des pipelines, de l'Office national de l'énergie. Mmh. C'est la même chose. Puis, au moment où on se parle, défend les intérêts de grandes firmes d'avocats comme Mercatus Petro, qui déjà salit les doigts, pas mal se frotter les mains devant la possibilité d'engranger des profits incroyables quand ils vont défendre les causes multinationales qui ne seront pas contentes, qui vont poursuivre les États. Mais non, il y a des solutions, M. Sorinet. Il y a des solutions. Il faut engager des avocats comme Jean Chrétien, comme Lucien Bouchard. Puis là, tout va se régler comme par magie avec Pierre-Marc Johnson. Ouais, Monsieur Sorinet. Nous, ce qu'on pense, c'est que le débat doit être fait. Oui, oui. Hein, puis je pense qu'on a l'opportunité. les enjeux ont été mis dans la sphère publique, sur la scène publique. Il faut s'arranger pour pas que nos politiciens, après la signature, étouffent le débat. Mais il y a toujours le processus de ratification, la nécessité pour l'Assemblée nationale de discuter, d'en débattre. Évidemment, l'Assemblée nationale est tenue par la loi, là, la loi du MRI, d'en débattre au moins 2 heures. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut en débattre plus que 2 heures. Ben oui. Puis pas laisser seulement les petits partis comme Québec solidaire parler 3 minutes et demie, là, mais ben plutôt créer une commission parlementaire ou même une commission publique indépendante. Là. OK, donc c'est ce que vous demandez. Mais Pierre-Yves Surinet, je sais que vous êtes proche des syndicats aussi. Qu'est-ce que le mouvement syndical a à dire sur cette entente de libre-échange? Bien, le mouvement syndical, là, le RQIC, réunit le mouvement syndical, le mouvement populaire, communautaire, le mouvement des femmes, le mouvement écologiste, et s'élargit de plus en plus parce que, justement, on est contre ce modèle économique. Je pense que le modèle économique là, qu'on vit, sur lequel on vit depuis 30 ans n'a pas été à la hauteur des promesses. On nous dit que ça a créé de l'emploi. Ça n'a pas créé de l'emploi. Ça a détérioré l'emploi, la qualité de l'emploi. Ça a augmenté la précarisation. Donc, les syndicats sont très sensibles. Les syndicats aussi s'inquiètent. On le voit maintenant. Ils sont en pleine campagne pour demander une hausse de salaire minimum à 15 $. Les mécanismes là, des accords de libre-échange permettent aux entreprises de poursuivre les États si un État veut augmenter son salaire minimum. Ça a été le cas là, de Veolia, une belle multinationale européenne française qui était déjà ici au Québec, qui a poursuivi l'Égypte parce que l'Égypte a dit « ben là, ça n'a pas de sens, le monde travaille dans des conditions incroyables, on va augmenter le salaire minimum ». Ils sont poursuivis pour ça. C'est un politique qui est encore en cours. Donc, on voit que les syndicats s'inquiètent aussi de ce mécanisme-là qui leur permettent pas de pousser des revendications légitimes pour améliorer les conditions de travail. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça qui inquiètent. Évidemment, les syndicats se font les défenseurs des services publics. On doit préserver notre capacité à développer nos services publics. Et les accords vont à l'encontre de ça parce qu'ils ne font que mettre de l'avant la logique de la privatisation, la logique de faire du cash avec des fondements de nos sociétés. Merci beaucoup, Pierre-Yves Surinet. C'est tout le temps qu'on a. Merci, Jacques Bégélina. Moi, vous avez un petit mot de la fin pour nous dire que votre prochain article dans l'autre journal sera sur l'UPA. Oui, l'UPA pris au piège du productivisme. C'est-à-dire que le président de l'UPA, Marcel Groslot, a écrit un article dans Le Devoir qui disait qu'il n'y avait pas d'alternative à la croissance des engrais chimiques dans l'agriculture. Alors qu'il y en a, au Québec même, il y a beaucoup de fermes biologiques à ne pas assez, évidemment. Donc, ils viennent contredire M. Groslot. Par oui ou non, M. Surinet, est-ce que l'UPA est un syndicat membre de votre groupement? Non, mais ce qui est intéressant, c'est que les producteurs de base, ceux qui produisent le lait, là, pas les dirigeants puis leur leadership, se rapprochent de nous. D'ailleurs, ils étaient dans la rue avec nous le 21 octobre dernier, parce qu'eux, ils trouvent ça complètement déplorable qu'on sacrifie l'agriculture de proximité, nos fermes familiales, au profit des grands conglomérats agricoles. Et d'ailleurs, si vous voulez venir entendre Roméo Bouchard, il est invité par les Amis de la Terre de Québec lundi le 7 novembre, juste avant le lancement d'une grève sociale pour les 8 et 9 novembre. Donc, M. Surinet, vous êtes un habitué des marches. Venez donc marcher avec nous, c'est le 7, 8 et 9 à Québec, puis on pourra se voir en direct peut-être. Oui, ou on marchera ici à Montréal aussi sur la question des droits socio-économiques et culturels et des secteurs populaires communautaires. C'est extrêmement important, puis c'est pas déconnecté des enjeux qu'on a parlé aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre-Yves Surinet, M. Jacques Bégélina. Vous revenez quand vous voulez. Hein? On peut parler de l'échange à tous les émissions, nous, si ça nous tente. Okay. Ça fait plaisir. De la bonne manière, d'ailleurs. Merci d'avoir été là. Au revoir. .ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL 89.1. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Élisabeth, de la succursale du Vieux-Québec, vous propose le roman pour adolescents « L'enfant mascara » de Simon Boulris. Un fait vécu troublant, repris dans les mots d'un auteur sensible et unique. Une histoire mature, traitant d'homophobie et d'incompréhension humaine qui devrait se retrouver entre les mains de tous les jeunes et des moins jeunes. Et Christian, de la succursale Saint-Roch, vous suggère « Bienvenue à Meurtreville » d'André Marois. Le crime ne paie pas, dit-on, sauf peut-être dans ce livre. Certains écrivent du roman noir, Marois y ajoute une belle touche d'humour noir. À déguster comme une bonne pointe de tarte au snack bar du village. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean, 286 rue Saint-Jean. Pour rehausser la beauté de votre maison sans tout rénover, faites peindre. Peinture résidentielle Jacques Dulac pour un travail professionnel et un service courtois. Pour l'intérieur et l'extérieur, votre terrasse, balcon, galerie en fer forgé, votre cabanon et bien plus. Profitez du service de déco-conseil et de l'estimation gratuite dans la région immédiate de Québec. Peinture résidentielle Jacques Dulac, entrepreneur général spécialisé en peinture du bâtiment, licencié RBQ et membre de la Sécu. 88 558 86 58. JacquesDulac.ca.